Chapitre 8. Ce fut une nouvelle et affreuse douleur pour Everard quand il lui fallut se séparer de Rosemonde. Il venait de connaître la mort, il allait apprendre l'absence. Cependant, malgré les pleurs et les prières d'Everard, Jonathas, pour remplir le dernier vœu de Wilhelmine, conduisit sa fille à Vienne. Comme l'avait prévu la pauvre Albine, sa lettre ouvrit à sa filleule les portes du couvent du Tilleul sacré, et Rosemonde fut reçue par l'abbesse comme si elle eût été la propre fille de la comtesse d'Epstein. Everard avait quelque temps espéré être du voyage, mais le garde-chasse lui avait fait comprendre qu'il n'avait pas le droit, sans une permission du comte, de l'emmener à Vienne. Everard était donc resté seul et bien triste avec le vieux Gaspard. Le retour de Jonathas n'avait pas même ramené sa gaieté. Seulement, Everard lui avait fait redire 20 fois où était ce couvent et comment était la chambre de Rosemonde. La chaumière, si joyeuse autrefois, si pleine de cris et de chants, était devenue morne et muette. Ses habitants restaient, la plupart du temps, tous trois taciturnes et sombres en face les uns des autres. Le vieillard, l'homme et l'enfant. Gaspard ne quittait plus la maison et le jardin. Il restait presque toujours assis sur le banc de la porte quand il faisait beau et sur une chaise près du foyer quand il pleuvait. Là, pensif, les yeux fermés, il regardait en lui-même vivre ses souvenirs et sourire ses deux filles, Noémie et Wilhelmine. Jonathas, quelque temps qu'il fît, jetait dès le matin son fusil sur son épaule, sifflait ses chiens, s'enfonçait dans la forêt et le plus souvent revenait le soir sans gibier. Il avait passé la journée à errer dans les endroits les plus sombres ou bien il avait laissé passer le temps couché au pied d'un arbre. L'âme de ces deux hommes était comme une horloge dérangée, arrêtée pour ainsi dire sur une douleur. Depuis que cette douleur était entrée en eux, il semblait ne plus exister. Il respirait, voilà tout. Quant à Everard, il était trop jeune pour que son ardeur et sa sève restassent ainsi glacées par le chagrin. Mais dans sa retraite profonde, loin de toute relation humaine, sans famille, sans confident, n'ayant vu du monde entier que le château et la forêt d'Epstein, n'ayant connu des hommes que Gaspard et Jonathas, n'ayant d'autre amour que l'amour filial qu'il portait à Wilhelmine morte et l'amour fraternel qu'il portait à Rosemonde absente, cloîtré pour ainsi dire dans sa propre pensée qui n'avait pas un cœur où se répandre, il laissait son esprit obéir à la direction de son instinct et se formait un caractère au fond généreux et droit, mais heurté, sauvage, étrange. Seul avec lui-même, ses premières impressions d'enfant devinrent ses convictions de jeune homme, et il se fit des passions et des croyances inaltérables, des sentiments naïfs mais faux, qu'il aurait vu tomber d'eux-mêmes s'il avait trouvé, dans les livres, quelques points de comparaison, dans la vie, quelques conseillers ou quelques guides. Il en résulta que son imagination prit la place de son jugement. Fidèle aux terreurs et aux amours dont la bonne Wilhelmine avait fait en quelque sorte le fond de son cœur, il voyait partout et toujours sa mère, n'avait d'autre ami, d'autre pensée, d'autre bonheur que sa mère. Il vivait sans cesse avec cette morte, si bien que toute son existence était une vision. Le témoin, le confident, le complice de cette apparition constante et sainte était la verte forêt d'Epstein. Nous avons déjà essayé de peindre ce vaste bois, sombre, noir, profond, solitaire, sublime et comme sacré, cette sorte de loucos antique dont le vent semblait l'âme attristée. Il y avait de tout dans ce bois, pareil au génie complet d'un homme. Il y avait des ravins au fond desquels le jour ne descendait jamais. Il y avait des sources murmurantes qui causaient avec les oiseaux. Il y avait de larges quartiers de granit blanc à la lune, gris au soleil, ruines de la nature. Il y avait des pans de murailles écroulées, des donjons éventrés, des caves découvertes, ruines de la société. Ces tours inquiètes, penchées sur la vallée dont elles dominaient les chemins, avaient l'air de regarder si les barbares ne revenaient pas. Les fantômes devaient aimer à reparaître au milieu de ces débris de l'histoire, fantômes eux-mêmes des temps disparus. Évrard connut bientôt son verdoyant univers dans tous ses détours. Clairière, fourrée, taillis, rien pour lui n'y était secret. Il avait grimpé à tous les arbres, il était descendu dans toutes les profondeurs, il avait embrassé tous les horizons. On le voyait courir sur le bord des abîmes, descendre par le lit des cascades, sauter d'un bond du chêne au peuplier. Il jouait avec cette forêt comme un enfant avec sa nourrice, et la forêt le respectait, l'aimait et lui souriait. Il y trouvait tout familier et ami, mais lui, de son côté, était bon et inoffensif pour tout ce qui l'entourait. Il n'arrachait pas les branches des arbres, il n'écrasait pas du pied les fleurs, il ne chassait pas, comme Jonathas, les cerfs et les biches, il plaignait même le hibou et avait pitié des couleuvres. Volontiers, il eût dit, comme ce charmant saint François d'Assise, qu'il ne connaissait pas pourtant, « Chevreau, mes frères, hirondelles, mes sœurs. » Aussi, les daims qui venaient se désaltérer au ruisseau près duquel il était assis ne s'effarouchaient pas et les petits oiseaux ne s'envolaient pas de l'arbre au pied duquel il se reposait. Ils continuaient au contraire à battre des ailes et à chanter leurs chansons. Tous les hôtes de ces épais ombrages lui faisaient les honneurs de leur gîte, devinant sans doute en lui un être innocent et bon comme eux. Le vieux bois n'était pas d'ailleurs pour le jeune homme seulement une retraite, une maison, un nid. C'était encore autre chose, c'était plus que tout cela. C'était, avec le caveau funèbre du château, l'endroit où il revoyait sa mère. Dans la tombe, sa mère était morte. Sous ce bois, elle vivait comme lui et avec lui. Quand une fois Évrard s'était enfoncé dans quelque sentier bien tranquille, s'il voulait voir Albine, il n'avait qu'à fermer les yeux. Parfois même, de ses yeux ouverts, de ses yeux mortels, il la voyait, l'âme céleste. C'était elle qui le soutenait lorsqu'il se suspendait à quelques racines d'arbre au-dessus d'un précipice, lorsqu'il franchissait des abîmes, lorsqu'il s'aventurait sur des pierres croulantes. Et elle ne se contentait pas de lui apparaître et de l'aider. Elle lui parlait souvent, elle le conseillait toujours. La voix qu'elle empruntait alors, c'était celle de la forêt même. Voix tantôt douce et tendre, tantôt grave et sérieuse, quelquefois grondeuse et terrible. À l'aube, par exemple, à l'aube d'une journée de mai, quand le soleil éclatant sur l'horizon faisait un diamant de chaque goutte de rosée, un orchestre emplumé de chaque arbre, une cassolette de chaque fleur, quand tout chantait, embaumait, resplendissait, et que la brise, suave comme les lèvres d'une amante, caressait le front d'Évrard, notre solitaire, étendu sur le gazon, inondé de lumière et tout enivré de la nature, se croyait dans les bras de sa mère, lui envoyait mille baisers, et, en prêtant l'oreille, l'entendait dire « Mon Évrard, mon enfant chéri, tu es beau et bon, je t'aime, souris-moi, je t'aime, regarde-moi, je t'aime. » et toutes sortes de ces paroles flatteuses et caressantes dont les mères ont coutume de bercer leurs enfants quand elles les tiennent sur leurs genoux. Et plus le soleil montait, plus les expressions de la mère devenaient tendres et ardentes, plus aussi l'esprit du fils s'animait et se réchauffait aux flammes vivifiantes de cet amour. C'était un bonheur, un délire. Qui eût dit alors à Everard qu'il était orphelin, l'eût bien étonné. Presque autant que les beaux jours de la belle saison, il aimait certaines journées d'hiver, les jours de neige surtout. La neige, triste aux villes, est si charmante au bois. Cette robe blanche que revêt la terre est presque aussi gaie que sa robe verte du printemps. Ces jours-là aussi, Everard croyait que sa mère était contente de lui, et il était content. Albine ne causait pas toujours comme une mère avec son enfant. Elle ne lui était pas seulement mère, elle lui était institutrice, et il y avait des moments où, dans de sérieux entretiens, elle essayait de le faire meilleur et plus fort. C'était par exemple aux heures solennelles du soir, quand l'ombre descend sur la terre et la réflexion dans les cœurs. Tout va dormir, mais l'homme pense. Alors, avec les derniers bruissements des feuilles, avec les derniers gazouillements des oiseaux, avec les derniers rayons du soleil, la mère donnait de sages conseils à son fils. Son éloquence, c'était quelque ruine rencontrée, quelque arbre droit et fort la veille, et que le vent avait brisé le matin. Souvent aussi, l'horizon s'élargissait devant Everard. Il était arrivé au sommet d'une montagne, et en même temps que se développait à ses yeux la forêt tout entière, il entendait là-bas, dans le lointain, un grand murmure continu qui semblait le bruit de l'éternité. C'était le Main qui roulait calme et puissant, argenté par les premiers rayons de la lune. Ainsi, entre la morte et le rêveur, tout servait de truchement, tout, même la pluie et son ennui grisâtre, le brouillard et sa morne mélancolie qui le faisait rentrer en lui-même, tout, jusqu'à l'orage où il entendait de justes reproches, et qui jetait dans son cœur un effroi salutaire, bientôt dissipé par un baiser du soleil perçant les nuages. Ainsi se fit l'éducation d'Everard, et son âme n'eut pour maître que les caprices du vent et l'ombre d'une trépassée. D'ailleurs, il ne voyait, il n'entendait personne. Son père, savait-il seulement qu'il avait un père? De temps en temps, on répétait autour de lui, « Monsieur le comte ne reviendra pas à Epstein cette année. » Que lui importait? Ces paroles n'éveillaient dans son âme aucun écho, aucun souvenir. Il n'était ni triste, ni content de l'abandon où on le laissait. Cet abandon, il y était habitué. Il ne s'en étonnait, ni ne s'en plaignait. Il ne disait pas « mon père ». Il disait, comme tout le monde, « monsieur le comte ». Il y avait au château deux ou trois valets chargés de donner de l'air aux chambres ou d'entretenir le jardin. Mais Everard ne s'occupait pas d'eux, et il ne s'occupait pas de lui. Il avait bien sa chambre à Epstein, mais il l'occupait rarement. Le plus souvent, il allait passer la nuit sous le toit de Jonathas. Là, il était plus près de sa chère forêt. D'ailleurs, tout l'été, pour peu qu'il fît beau, sa chambre était la forêt même. Au plus épais du bois, sur le bord d'un ruisseau qui, en cet endroit, plus large et plus impétueux, y déversait presque un torrent, il avait trouvé une sorte de grotte naturelle formée par l'excavation d'une roche très haute et très escarpée. Ses bords rudes et étranges l'avaient enchanté tout d'abord. Et quand il y découvrit une retraite charmante cachée au regard par un buisson d'aubépine et par un figuier sauvage, il se crut dans un paradis. Sur la rive opposée s'élevait une montagne presque à pic, couverte de gigantesques sapins. La sombre verdure de ces arbres, jointe au rugissement du torrent, ajoutait à la scène je ne sais quelle lugubre sublimité. C'était sévère et grand. La mélancolie du lieu n'était pas, d'ailleurs, sans être parfois déridée par quelques beaux reflets dorés descendant le long des pierres du haut de la montagne et par quelques faibles senteurs exhalées de l'orage et semblables à une bonne action cachée. Évrard ne saisissait nulle part mieux que là cette douce et mystérieuse musique qui, disait-il, accompagnait partout ses pas et donnait le ton à toutes ses actions et à toutes ses idées. « Ne l'entendez-vous pas ? » demandait-il. « Non. » « Eh bien, je l'entends, moi. Elle m'entraîne, elle m'enveloppe. C'est dans ce nuage mélodieux qui marche partout avec moi que j'ose me confier à ma mère, lui raconter mes désirs, mes chagrins, mes joies, et lui demander ses avis. » Dans ce coin de vallée perdue, Évrard passait donc la plupart de ses nuits et la moitié de ses jours. C'est là qu'il grandit. C'est là qu'il vécut heureux en se souvenant de sa mère et de Wilhelmine et, disons-le, en attendant, en espérant Rosemonde. Un regret, un rêve, n'est-ce pas là toute la vie? Et quand notre songeur eut cherché dans les voyages, dans le mouvement, dans le trouble, des émotions et des plaisirs, y eut-il trouvé quelque chose de plus que dans sa solitude embaumée? Oui, il souhaitait ardemment le retour de Rosemonde. La petite compagne de son enfance n'était pas sortie de sa mémoire. Il l'avait sans cesse devant les yeux, avec son béret noir, d'où s'échappaient les boucles de ses cheveux blonds, avec son minois rose, sa moue boudeuse, son sourire espiègle. Il se rappelait leurs jeux, leurs querelles et la grave protection dont il l'entourait. C'était d'elle seule qu'il parlait à Jonatas et au vieux Gaspard. Quand ceux-ci lui répondaient, c'était d'elle seule qu'il était question. Rosemonde fut ainsi pour Évrard le seul lien qui le rattacha à la vie de ce monde. Pour le reste, il était en tout point semblable, malgré ses 14 ans, à Jonatas qui en avait 40, à Gaspard qui en avait 80. Grave et taciturne comme l'homme et le vieillard, il venait s'asseoir près d'eux à leur foyer sans rien dire, et eux non plus ne l'interrogeaient pas, ne lui demandaient jamais d'où il venait, ce qu'il faisait, ce qu'il comptait faire. Quand on recevait par hasard une lettre de la pensionnaire du tilleul sacré, c'était fête dans la maison du garde-chasse. L'enfant sautait de joie, le père essuyait une larme d'attendrissement, et l'aïeul lui-même sortait de son extase contemplative. Puis Gaspard et Jonatas écoutaient avec recueillement la lecture de la bienheureuse lettre dont se chargeait toujours leur jeune ami. Rosemonde parlait de ses compagnes, des progrès qu'elle faisait, des soins qu'on lui donnait comme si elle eût été la fille d'un duc. Elle apprenait l'histoire, le français, le dessin, la musique, toute science dont Évrard savait à peine le nom. Aussi, ce qui lui agréait le plus, c'est quand Rosemonde retournait par la pensée à Epstein, près de son vieux grand-père, de son père Jonatas et de son cher frère Évrard. La lettre lue, on la relisait, puis on la commentait, puis on la relisait encore. Ces soirs-là, la lampe et le feu brûlaient tard dans la salle boisée de Jonatas. Le lendemain, les trois solitaires pensaient, certes, chacun de son côté, à l'absente, mais ils n'en parlaient plus. C'est dans cette profonde retraite, dans cette liberté absolue parmi les apparitions, au milieu des pins séculaires et sur la limite du merveilleux et du ciel, que s'écoula l'enfance songeuse d'Évrard. Il n'ouvrit pendant des années d'autres livres que celui que la nature lui présentait à chaque heure. Il n'adressait la parole à personne autre que ses deux amis muets et sérieux, Gaspard et Jonatas. Quand un bûcheron, un paysan des environs, se trouvait sur son passage, il s'enfuyait comme un faon effarouché. Quand la Bible du vieux Gaspard lui tombait entre les mains, il ne dérangeait pas la page marquée et se contentait de suivre machinalement d'un œil distrait les caractères noircis où il avait vu autrefois se poser les doigts de Wilhelmine près du petit doigt de Rosemonde, alors que la jeune femme apprenait à ses petits-enfants à épeler. Était-elle pourtant muette? Nous ne le croyons pas. L'âme de cet ignorant sublime qui avait appris à épeler dans la Bible et à lire dans une fosse. Était-elle aride, cette âme faite de foi et d'amour, cette âme féconde en éblouissement, en surprise, en féerie surhumaine, comme un conte des mille et une nuits? Cette âme naïve, pure, chevaleresque comme une légende des bords du Rhin, pareille enfin à ces cathédrales où la fantaisie arabe s'épanouit en fleurs si charmantes sur le fond de la gravité chrétienne. Cependant, les jours s'écoulaient doucement. Il se trouva un matin que 5 ans s'étaient passés sans apporter, comme nous le disions en commençant, un changement à Epstein. Seulement, Évrard et Rosemonde avaient 14 ans, et Jonatas, à la grande joie d'Évrard, parlait d'aller chercher Rosemonde à son couvent. Pendant ces 5 ans, c'est-à-dire de 1803 à 1808, Napoléon avait accompli la plus belle moitié de son Iliade. Mais le grand et terrible drame joué par la France et l'Europe ne nous regarde pas ici. Nous ne sommes que l'historien d'un château et d'une chaumière entre Francfort et Mayence, et ces 5 années, si fécondes pour l'univers, furent pour ce château et cette chaumière si peu remplies que ce n'est pas la peine d'en parler. Vers ce temps-là, le vieux Gaspard, qui de jour en jour s'affaiblissait, ne trouva plus un matin la force de quitter son lit pour aller s'asseoir à son banc sur le seuil de la porte ou même à son fauteuil près de la cheminée. Il appela Jonatas. « Mon ami, lui dit-il, je sens que je m'éteins et que le froid de la mort me gagne. « Faiblesse momentanée, mon père, répondit le garde-chasse, ému plus qu'il n'eût voulu le paraître. Nous vous garderons longtemps encore. » « Non, Jonatas, reprit le vieillard avec une fermeté calme. Je n'ai plus, crois-le, que quelques jours à vivre. Je ne m'en plains pas, je m'en réjouirai plus tôt. Néanmoins, avant de quitter ce monde, je souhaiterais encore 2 choses. Que veux-tu? L'homme est un demandeur éternel, l'agonie même à ses désirs. Je voudrais donc savoir d'abord ce qu'est devenue ma fille Noémie, disparue dans cette tourmente de la France, si je dois la retrouver là-haut et si elle est morte saintement comme sa sœur. Ce souhait ne se réalisera pas, hélas, et pourtant Dieu sait que l'accomplissement de ce vœu rendrait ma mort 2 fois plus paisible. Mais le second souhait, tu peux le satisfaire, Jonatas. Parlez, mon père. Jonatas, ne verrai-je pas une dernière fois la fille de ma Wilhelmine? Mon père, je partirai demain pour Vienne. Merci, Jonatas. Dieu te bénira pour comprendre sur un mot les mourants et m'accordera à moi, je l'espère, la grâce d'attendre ton retour. Le lendemain matin, en effet, le garde-chasse se mit en route. Évrard le suivit jusqu'à la moitié du jour. Il aurait bien voulu l'accompagner jusqu'au terme de son voyage, et sans doute il eût pu. Qui se serait aperçu au château de son absence? Jonatas s'y refusa pourtant. Quelqu'un devait rester pour veiller le grand-père. À 3 heures donc, après avoir partagé avec lui son modeste repas, Évrard embrassa le voyageur, le chargea de 1000 vœux et de 1000 tendres paroles pour la petite Rosemonde, et reprit à pas lents le chemin d'Epstein. Quand il arriva à la forêt, il était 9 heures du soir. La nuit était tout à fait tombée, mais une nuit de juin limpide, calme et bleue. D'une hauteur où Évrard s'arrêta, il put embrasser du regard toutes les harmonieuses ondulations du bois blanchissant à la lueur de la lune. Ce groupe de vallées et de coteaux avait réellement l'air d'une mer. On n'entendait que le cri du grillon et un frisson du vent courait à peine à la cime des arbres. Au ciel, les étoiles scintillaient. En bas, au fond, un étang immobile luisait comme un miroir d'argent. Dans cette ombre diaphane, les maisons pâles semblaient dormir et les champs tranquilles rêver. On s'endormait soi-même dans la rêverie devant ce paysage fantastique et une paix religieuse pénétrait le cœur. Évrard s'assit sur l'herbe et songea. Une voisine avait promis de rester cette nuit-là près du malade et l'air était si doux, si tiède, que le jeune homme résolut de ne rentrer qu'au matin. Il avait besoin de rester seul, de penser, de causer avec sa mère qui lui envoyait les caresses de cette brise. Il avait besoin de récapituler sa vie, de revoir son passé, d'imaginer son avenir. Il lui semblait qu'une ère nouvelle allait s'ouvrir pour lui et, comme le voyageur, parvenu au sommet d'une montagne, jette un dernier coup d'œil sur la vallée qu'il a parcourue, il donnait un regard d'adieu aux jours écoulés. Bien peu d'événements, mais beaucoup de pensées et de sensations avaient rempli son existence. Aussi était-il à la fois naïf et profond. Il avait l'esprit simple d'un enfant avec le cœur ardent d'un homme. Cette nuit-là, cœur et esprit, il sentait tout troublé en lui, comme devant une crise de sa destinée. Les ombres chères ou indifférentes qui avaient traversé ses jours repassèrent à ses yeux et le saluèrent, tandis qu'Albine, fidèle témoin, se tenait debout à ses côtés. Il vit dans une sorte de songe lumineux d'abord Wilhelmine, sa seconde mère, puis son bon vieux maître Aloysius, puis dans le lointain son père, le sourcil froncé, et son frère, méchant et moqueur. Mais il détourna d'eux ses regards avec effroi, pour les reporter avec amour sur la noble et belle figure du vieux Gaspard, sur le visage doux et triste de Jonathas. Alors, descendant de plus en plus en lui-même, cet enfant, aimé seulement de deux mortes glacées et de deux hommes silencieux, se trouva bien seul au monde et sentit qu'il lui manquait quelque chose, qu'il y avait dans son sein un vide qui n'était pas rempli et que son âme appelait une autre vie. Il se reprocha amèrement cette pensée, il la combattit, elle revint malgré lui. Il se figurait que sa mère devait être irritée de son ingratitude, et il n'osait fermer les yeux ni détourner la tête, de peur de la voir sévère et fâchée. Il se trompait, il la trouva souriante et calme. Tous les morts n'ont pas la jalousie mesquine des vivants. Heureux de n'être pas coupable en désirant autre chose que ce qu'il avait, Évrard songea alors à sa petite amie d'autrefois qu'il allait revoir, et je ne sais quelle joie inconnue lui remplit le cœur. Il ne se la figurait pas grande et changée, non. Il l'imaginait enfant et espiègle, comme lorsque, 5 ans auparavant, il la portait dans ses bras, la peureuse, pour passer les ruisseaux. Il allait donc enfin oser être jeune et jouer et rire aux éclats. Ils étaient du même âge, du même jour, ils se comprendraient, ils se parleraient, Dieu sait. Ce n'est pas avec Rosemonde qu'Évrard s'aviserait de se taire et de réfléchir, comme avec les hommes attristés ou avec la nature muette. Près de sa vive et joyeuse compagne d'enfance, comme il courrait, comme il vivrait, comme il aimerait, comme il lui ferait gaiement les honneurs de la forêt familière. Il ne vit rien de plus, rien au-delà. Pour le moment, cette idée lui suffit. Et à cette idée, mille espérances et mille joies chantèrent en lui comme les oiseaux aux premiers rayons de soleil. Pour ne s'étendre qu'à quelques journées, son avenir n'en était pas moins immense. Il s'enivra d'une divine attente, et dans son fécond délire, il lui sembla qu'il aurait désormais deux cœurs. Cependant, les heures de cette poétique veillée passèrent vite, et l'aube couronna d'une vive lueur le sommet de la montagne où Everard s'était assis. L'enfant passa la main devant ses yeux, offrit, selon sa coutume de chaque matin, son âme à Dieu et à sa mère, et se mit à descendre dans la vallée vers le village d'Epstein. La grotte chérie se trouvait sur son chemin. Everard ne voulut pas passer sans dire un bonjour à sa retraite préférée, qu'il n'allait plus revoir de quelques jours, peut-être, s'il était retenu près de Gaspard. Il ne tarda pas à entendre le murmure de la source qui arrosait son royaume de 200 pas. Bientôt, il l'embrassa tout entier. Mais il recula tout à coup en jetant un cri de surprise et d'indignation. Son asile de fleurs, que nul ne connaissait, était violé. Un homme, un étranger, était assis, le front dans ses mains, au bord du ruisseau. Le premier mouvement d'Everard fut un mouvement de colère jalouse. Il s'avança rapidement vers l'inconnu. Ses pas étaient amortis par l'épais velours du gazon, et il arriva ainsi près du profane sans que celui-ci s'en aperçût. Mais alors toute l'indignation du tendre enfant tomba. L'homme pleurait. Il pouvait avoir de 35 à 40 ans. Il était petit et délicat, mais semblait nerveux et avait une physionomie belle et puissante. Son costume était grave comme son visage. Sa redingote verte, boutonnée jusqu'en haut, laissait voir un bout de ruban rouge. Il y avait quelque chose de militaire dans son attitude et sa tournure.